que ça dise. Oh, je la roulais, oh, ça commence, non, non, t'as chuté. Ah, alors que l'autre, ça rend bien, oh, bien, ça va. Oh, oh, c'est un mot. Сука! Блядь, нахуй, блядь, сука!